Alors, formation dirigeant Lille. CPA. Tiens, c'est quoi ? Une formation diplômante dans un cadre vert partagé par des dirigeants et avec un retour sur investissement immédiat pour mon entreprise. C'est parfait, ça ! Allez, je télécharge la plaquette sur copimanagement.com. CPA, une formation CPI Management. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, du cyanure dans la josacine. Le 11 juin 1994, dans un petit village du pays de Caux, en Normandie, Émilie, 9 ans, trouve brusquement la mort. De prime abord, il s'agit d'une rupture d'anévrisme. Pourtant, l'autopsie va révéler une autre histoire. L'enfant a ingéré du cyanure, 4,9 grammes, alors que la dose létale est de 0,3. Impossible dès lors que ce décès soit un hasard. Il ne peut s'agir que d'un crime. Mais qui pourrait en vouloir à un enfant de 9 ans? Et surtout, pourquoi? Alors, la machine judiciaire se met en route. L'enquête doit être exemplaire et rapide. Tous redoutent en effet le spectre d'un autre infanticide qui hante les esprits depuis 10 ans, l'affaire du petit Grégory. Très vite, un homme est arrêté, Jean-Marc de Perroy, un notable de la région désigné coupable. Une victoire pour la famille d'Émilie, mais une victoire amère. Car au fil du temps, la culpabilité a changé de camp. Et ceux qui ont perdu leur enfant se retrouvent pointés du doigt par la vindicte populaire. Renversement de situation où les victimes deviennent coupables, coupables d'être victimes. Notre invité aujourd'hui, Jean-Michel Dumay, journaliste au Monde, chroniqueur judiciaire à l'époque des faits, auteur d'un livre contre-enquête édité chez Stock en 2006 intitulé « Le poison du doute ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Stéphanie Fromentin, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Nguyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Avant de refermer cette édition, je voudrais vous redonner l'appel lancé par un laboratoire pharmaceutique. Si vous utilisez un antibiotique, la josacine granulée pour suspension buvable, les laboratoires Belon vous demandent d'interrompre le traitement. Une personne est décédée après avoir absorbé cet antibiotique. Il semble qu'une substance toxique étrangère soit la cause de ce décès. Rapportez les flacons chez votre pharmacien ou téléphonez au 40 91 43 63 ou le 40 91 42 47, donc avec le 16 1 devant si vous appelez de province. Dans la nuit du 16 juin 1994, les téléspectateurs Antenne 2 sont sidérés. Un médicament vient de provoquer la mort. Un antibiotique familier pourtant, la josacine, fréquemment délivrée pour soigner les pharyngites et les bronchites, notamment en pédiatrie. Proposé sous forme de poudre, il ne devient efficace qu'une fois mélangé à de l'eau. Le laboratoire Bellon, filiale de Rhône-Poulenc, est immédiatement suspecté. Paniqué à l'idée d'être mis en cause dans une affaire d'homicide sur mineur, il décide alors, contre la volonté de la police qui veut éviter un mouvement de panique, de rappeler les 56 000 flacons du lot concerné. Mais le mal est fait. L'annonce se répand comme une traînée de poudre. Des milliers de personnes appellent au numéro dédié, les urgences sont saturées. Très vite pourtant, le laboratoire est mis hors de cause. Grâce à une étude statistique, il met en évidence qu'il n'y a aucune trace de cyanure dans le lot de josacine incriminé. Il n'y a donc eu qu'un seul flacon contaminé, celui de la petite Émilie Tanet. En ce samedi 11 juin 1994, Corinne Tanet et sa fille, Émilie, 9 ans, quittent leur domicile de Saint-Jean-de-la-Neuville pour rejoindre le bourg voisin de Gruchet-la-Valasse, non loin du Havre. Émilie est surexcitée. Pour la grande fête médiévale du village, ses parents l'ont autorisé à passer le week-end chez son copain Jérôme Tocqueville, son frère de cœur. Ils vont se costumer, défiler et profiter de toutes les animations de rue. Bref, pour les gamins, c'est le bonheur. Émilie et sa mère arrivent vers 15h au domicile de Tocqueville. Corinne ne les connaît pas vraiment, mais Émilie est tellement heureuse qu'elle leur confie sereinement sa fille unique. Jean-Michel Tocqueville est seul avec ses fils. Sa femme, Sylvie, est partie aider à la préparation du banquet médiéval qui doit se dérouler le soir même à l'abbaye. Avant de partir, Corinne prend soin d'indiquer qu'Émilie a souffert d'une bronchite et qu'elle doit terminer un traitement antibiotique ce soir. Autrement dit, un sachet d'Exomuc et une cuillère de josacine. En bonne mère attentive, elle a préparé le produit dans son sac. Voilà, l'après-midi est joyeux, le défilé se déroule sous un ciel magnifique, et à 17h, tout le monde rentre au domicile des Tocqueville. Sylvie les rejoint. À 20h, Émilie prend son traitement. Mais en arrivant en garage, elle s'effondre brutalement sur le sol. Elle bave, elle gémit et perd connaissance. Jean-Michel Tocqueville tente de le réanimer en vain. Alors il appelle les urgences. Mais comment contacter les parents d'Émilie qui sont sortis? Jean-Michel Tocqueville décide de joindre un ami commun, Denis Lecointre. Le SMUR arrive 6 minutes plus tard et trouve l'enfant dans le coma. Il la transporte immédiatement en réanimation. Quand Corinne et Denis Tanet arrivent à l'hôpital du Havre à 22h30, leur fille est décédée. Les médecins sont perplexes. Comment une enfant de 9 ans, en pleine santé, sans antécédent médical spécifique, peut-elle mourir en moins de quelques minutes? Alors une seconde autopsie est pratiquée. Le prélèvement gastrique d'Émilie révèle une anomalie. Son taux de pH est anormalement élevé. Alors on interroge les Tocqueville. La petite a-t-elle ingéré quelque chose avant cette crise? Non. Non, non, rien de particulier à part son médicament comme convenu avec sa mère. Le produit est analysé. La josacine contient du cyanure, 4,9 grammes, alors que la dose létale pour une enfant est de 0,3. Donc, un poison à effet quasi immédiat. Stupeur. Le laboratoire, qui a craint d'être incriminé, est rapidement mis hors de cause. Mais ça ne suffit pas à tranquilliser les esprits. Le ministre de la Santé, Philippe Douce de Blasi, tente alors de rassurer la population. Je pense, à titre personnel, que c'est un fait divers. Mais je ne comprends pas comment il peut y avoir du cyanure dans un soluté, alors que tous les contrôles que l'on a fait jusqu'à maintenant n'en montrent pas. Donc il ne peut pas y avoir véritablement une erreur de fabrication. Ou alors je ne vois pas à quelle étape ça a pu être fait. Donc je pense que c'est après. Ceci étant, la chose est tellement grave que je pense qu'il faut être au maximum sécuritaire. Donc nous devons en effet dire à ceux qui ont pris de la josacine de ne plus en prendre pour l'instant. Et je pense aussi qu'il ne faut pas entraîner une panique très importante dans l'opinion publique. Encore une fois, le cyanure tue très rapidement. Si quelqu'un a pris un soluté comme celui-là il y a plus d'une heure, il n'a aucun risque. Cette découverte fait basculer un fait divers tristement banal dans une sordide affaire criminelle. Désormais, tous ceux qui se sont trouvés en contact avec le flacon de josacine deviennent suspects. Jean-Michel Tocqueville, qui était en charge de l'enfant, Corinne Tanet, la maman, qui a préparé le médicament, et Denis Lecointre, l'ami de Tanet, qui a été appelé dans l'urgence. Aucune piste n'est écartée. Accident domestique, accident médical, malveillance, ou pire, crime par empoisonnement volontaire. Toutes les techniques d'investigation sont déployées. Interrogatoire, dépouillage du courrier, écoute téléphonique. Jean-Louis Martinez, le gendarme en charge de l'enquête, met en garde à vue les époux Tocqueville, Tanet, ainsi que Denis Lecointre. Jean-Michel Tocqueville est terrorisé. Il est suspecté d'attouchement sur Émilie. Il aurait pu la tuer pour la faire taire. Monsieur Tocqueville, avez-vous senti quelque chose de particulier quand vous avez donné le médicament à Émilie? Non, rien. Enfin, rien de normal. J'ai dit à Émilie de prendre son traitement avant de partir. Elle l'a pris. Elle a fait la grimace en disant que c'était mauvais. Alors je lui ai donné un verre d'eau du robinet pour faire passer le goût. Mais vous savez, comment sont les enfants avec les médicaments? La même question est posée à Corinne Tanet. Comme il ne restait pas assez de josacine pour 2 jours, j'ai ouvert un nouveau flacon. Je suis formel, il était neuf. J'ai entendu le petit clic caractéristique de l'opercule de protection. J'ai ajouté de l'eau en bouteille jusqu'au trait, comme recommandé par le médecin. Et puis je l'ai mélangé et je l'ai mis dans le sac d'Émilie. Voilà, aucune odeur particulière ne s'en dégageait. Il sortait comme d'habitude. Denis Lecointre est à son tour interrogé. C'est lui qui a apporté le flacon à l'hôpital pour analyse après la mort d'Émilie. Le problème, c'est qu'il a le profil idéal. Ancien toxicomane, ayant écopé de quelques années de prison pour braquage, il travaille dans le laboratoire pharmaceutique Orilla Bolbec, là où sont conservés 150 kilos de cyanure. Un stock dans lequel piochent certains salariés pour leur usage personnel. Après vérification, les pistes du crime familial et de l'entourage sont écartées. Marc Gobert, le procureur de la République en charge de l'affaire, explique en conférence de presse qu'il envisage d'autres possibilités. Il y a toujours tout un tas d'hypothèses qui sont valables et Il y en a 10 ou 12. Et vous imaginez bien que ça fait 10 ou 12 micro-enquêtes. Nous avançons un petit peu dans chaque direction, selon le principe de l'entonnoir. Nous sommes en train d'essayer de le remplir, c'est notre rôle. Et puis, lorsqu'il faudra ouvrir le bas de l'entonnoir, lorsque nous pourrons le faire, nous le ferons. Pour l'instant, c'est un instant prématuré. En termes d'informations, ça ou rien, c'est pareil, mais la justice montre qu'elle travaille. C'est à la mi-juin que les gendarmes sont mis sur une nouvelle piste, presque par hasard. 15 jours après le décès d'Émilie, l'affaire est toujours dans les esprits, bien sûr. Et comme dans toutes les petites bourgades, les rumeurs vont bon train. Sylvie Tocqueville aurait une liaison avec un homme marié, père de 2 enfants, un certain Jean-Marc Deperroy. 43 ans, chef d'entreprise et adjoint au maire de la commune de Gruche-Chelvalas, là où vivent les Tocqueville. Sylvie, elle, est secrétaire de mairie et loge dans la maison de fonction accolée au bâtiment. Et si la Josacine empoisonnée n'avait pas été destinée à la petite Émilie, mais au mari de sa maîtresse Jean-Michel Tocqueville? Et si Jean-Marc de Perroy, en voulant éliminer son rival, avait provoqué la mort d'Émilie par erreur? Le 18 juin, la gendarmerie du Havre décide de placer l'homme sur écoute. Le 22, les gendarmes interceptent une conversation troublante. On y entend un certain Alain qui s'interroge. T'as pas été inquiété? T'as toujours le produit? T'as pas eu d'ennui? Tu devrais t'en débarrasser. Jean-Marc de Perroy répond de manière évasive. Et les gendarmes identifient ce mystérieux ami. Alain Botson, un entrepreneur parisien, une relation professionnelle de Jean-Marc de Perroy, qui déclare avoir commandé à sa demande 1 kilo de cyanure de sodium qu'il est venu chercher lui-même. Oui, du cyanure de sodium. Autrement dit, le même poison que celui retrouvé dans le flacon de Josacine incriminé. De Perroy l'a non seulement payé en liquide, mais il cache à son entourage qu'il détient du cyanure. Une attitude plus que suspecte aux yeux des gendarmes, évidemment. 2 mois après la mort d'Émilie, Jean-Marc de Perroy est mis en garde à vue. Madame, monsieur, bonsoir. La mystérieuse affaire de la Josacine empoisonnée au cyanure qui avait provoqué la mort de la petite Émilie il y a 2 mois au Havre serait en fait la conséquence d'une méprise dans une affaire d'adultère. Reportage Véronique Gallionne, Frédéric Desmulles. Dans son entreprise de thermographie, Jean-Marc Desperrois utilisait du cyanure. Mais il l'a nié lorsque les gendarmes lui en ont parlé. Ses voisins sont sous le choc. C'est une personne très bien, qui s'occupe bien de sa commune. Je pense pas du tout qu'il ait fait ça. Jean-Michel Tocqueville nous a reçus chez lui. Lui non plus ne croit pas à la culpabilité de cet ami vieux de 30 ans. C'est vrai, Jean-Marc Desperrois avait de l'attirance pour sa femme, mais il ne le croit ni capable d'avoir voulu sa mort, ni assez stupide pour avoir mis du cyanure dans un sirop d'enfant à la banane. L'homme est interrogé, il nie avoir voulu tuer qui que ce soit, il nie même avoir jamais détenu du cyanure. Et il va jusqu'à accuser Alain Botson de menteur. Non, jamais il ne lui a demandé d'acheter du cyanure pour lui. De Perroy va ainsi cumuler plus d'une 50aine de dénégations. Autant de mensonges qu'il finira par reconnaître après une longue nuit d'interrogatoire et plusieurs confrontations. Et il avoue, le menteur c'est lui, De Perroy. Sur le coup de 7h du matin, il se confie au gendarme Martinez. Vous savez, j'ai réfléchi. J'ai bien eu en ma possession 1 kilo de cyanure de sodium, mais c'était uniquement pour faire des essais de matification de métaux. Quand j'ai entendu qu'une petite fille était morte à 30 mètres de mon entreprise, j'ai été pris de panique. Je me suis débarrassé de tout, papier et métaux, dans une benne à ordures. Et le cyanure, dans la Seine. J'ai eu peur de l'amalgame et du scandale, à cause de ma relation avec Sylvie Tocqueville. Et pourquoi avoir accusé votre fournisseur de menteur? J'ai perdu les pédales. J'étais acculé. J'étais au bout. Reste à savoir si le cyanure découvert dans la Josacine est bien le même que celui de Jean-Marc de Perroy. 2 analyses sont pratiquées en parallèle. L'un sur le médicament, l'autre sur l'eau versée pour diluer le produit. L'eau du robinet de tous les suspects est alors examinée. Une seule correspond en tout point à celui du flacon contaminé, celle de l'entreprise de Deperroy. Elle possède le même dosage en zinc. Maintenant, pour ce qui concerne la cyanure, impossible de le comparer à celui de Deperroy puisqu'il s'en est débarrassé. Alors les inspecteurs ont une idée, saisir celui de son fournisseur. Le résultat est le même. Dans l'entourage de Perrois, c'est la sidération. Personne ne croit sa culpabilité, pas même Jean-Michel Tocqueville, le mari visé par le poison. Le problème, c'est que l'alibi du présumé coupable tient difficilement la route. En vérifiant son emploi du temps, les gendarmes s'aperçoivent qu'il avait tout à fait le temps de s'introduire chez les Tocqueville en leur absence et de verser le cyanure dans le flacon de Josacine d'ailleurs. Un couple de voisins confirme l'avoir déjà vu s'introduire en cachette chez sa maîtresse. Les Madeleines, qui ont une vision plongeante sur le logement des Tocqueville, ont même vu un jour l'élu porter des gants en latex. Des gants retrouvés chez lui lors d'une perquisition. Voilà, tout semble concorder. Alors, malgré ses dénégations et à cause de ses mensonges, le 28 juillet 1994 à 18h30, Jean-Marc de Perrois est mis en examen pour empoisonnement avec préméditation. Tous les éléments de la tragédie sont réunis. Le décès d'une enfant, le drame passionnel, l'adultère, le duel larvé entre les citadins et les ruraux, tous les personnages sont présents. L'amant, sa femme, sa maîtresse, l'époux trompé. Les journalistes évoquent Maupassant. Le procès s'annonce à grand spectacle. Dans l'actualité de ce vendredi 2 mai également, l'ouverture à Rouen du procès de la Josacine, compte rendu de cette première audience, Dominique Verdeillan, Vincent Maillard. 1009 jours de prison, Jean-Marc de Perrois a compté. Laissez-moi, murmure l'accusé devant la presse, car depuis 3 ans, l'homme crie son innocence. Et depuis 3 ans, les protagonistes de l'affaire se déchirent. Malgré les épreuves que leur couple a vécues, Anne-Marie de Perrois, sa femme, est toujours à ses côtés. Fait beaucoup trop... Mon mari est innocent, c'est tout, c'est tout. Vous êtes convaincu d'innocence, votre mari. Ça fait 3 ans que je le dis, je n'ai pas changé d'avis. Il est innocent. Innocent ou coupable? Tout un village de Seine-Maritime se divise sur cette énigme. Le couple Tocqueville, par exemple, chez qui la petite Émilie est morte, aujourd'hui, tout les sépare. Jean-Michel accuse Monsieur son Tocqueville. Rival d'avoir voulu l'éliminer, tandis que son épouse, Sylvie, croit toujours en l'innocence de son mari. Essayez de vous imaginer à notre place et vous connaîtrez la réponse. Autre couple, autre sentiment, main dans la main, les parents d'Émilie. Une même douleur inconsolable, une même conviction aussi, la culpabilité de Jean-Marc de Perrois. De l'incompréhension au doute, les jurés ont 3 semaines pour avoir une certitude. Dès le premier jour du procès, ce 2 mai 1997, la tension est palpable. Toute la presse parisienne a débarqué à Rouen. Chaque protagoniste arrive avec ses propres certitudes. Alors les clans vont s'affronter pour tenter de faire jaillir leur vérité. Les époux Tocqueville arrivent d'un pas déterminé. Eux qui sont les derniers à avoir vu Émilie en vie sont attendus comme témoins. Sylvie Tocqueville précède son mari. Lunettes noires, robe rouge flamboyante, elle semble monter les marches d'un festival de cinéma. Jean-Michel Tocqueville, moins assuré, prend la pose devant les caméras, le journal Paris-Normandie en main, avec à la une ce titre « Affaire de Perroy, le dénouement ». Les parents d'Émilie se faufilent en toute discrétion par une porte dérobée, main dans la main. Accablée, Corinne Tanekrak, elle pleure. Son mari semble la protéger. Ensemble, ils montent les marches de la cour d'assises. Les deux Perroy, eux, se précipitent dans le tribunal, clamant l'innocence de l'accusé. Alors on s'observe, on se dévisage, on détourne le regard, on brandit même la photo d'Émilie, la victime, qui n'aurait que 12 ans aujourd'hui. Tout est en place. La dramaturgie de la justice peut commencer. L'opinion publique, comme la presse, tous sont convaincus de l'innocence de Perroy. Alors ce procès va être vite expédié. Pourtant, dès les premiers jours, l'ambiance change. Les journalistes réalisent que le dossier n'est pas si vite que ça. Pendant 3 semaines, l'ambiance sera versatile. Un jour, la défense marque des points, le lendemain, c'est l'accusation. Et le mystère, lui, s'épaissit chaque jour un peu plus. L'issue du procès devient plus incertaine. Maître Liebman, l'avocate de Perroy, fait savoir qu'il possède un atout dans la manche de sa robe. Oui, un témoignage capital qui prouve l'innocence de son client. Le lendemain du décès de sa fille, en effet, Corinne Tanier a consulté son médecin traitant, le docteur Vu, pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer avec la josacine. Elle lui aurait dit que le médicament avait un aspect pétillant inhabituel. C'est faux, dément formellement Corinne Tanier. Alors, le docteur Vu est convoqué à la barre. Mais son témoignage reste très vague. Oui, il reconnaît que cette conversation était émaillée d'une grande confusion, certainement due à l'extrême douleur d'avoir perdu son enfant la veille. Enfin, la super surprise de Maître Liebman fait pchit. Mieux, ou pire, elle renforce l'accusation. Alors on sort un autre atout. Les époux Madeleine, les voisins des Tocqueville. Alors eux, ils épient, ils voient. Le 29 mai 1994, ils ont donc vu de Perroy, en l'occurrence, pénétré dans la maison des Tocqueville. Il avait enfilé des gants de latex, de chirurgien. Si ces gants ont été retrouvés chez les deux Perroy, effectivement, le procureur se rend chez les Madeleine pour vérifier leurs propos. Or, à l'endroit où ils disent avoir observé Jean-Marie de Perroy, la ligne de visibilité est nulle. Monsieur Madeleine s'embrouilla. Peut-être que je l'ai vu différemment. Vous savez qu'un miroir, je ne sais plus. Décidément, les témoins de ce procès sont sujets à caution. Les experts scientifiques sont catégoriques, c'est une seconde nature. 3 experts ont été mandatés, l'un commis par le juge d'instruction, l'autre par le procureur, le troisième par la défense. Ils sont unanimes. Le cyanure fourni à de Perroy est identique à celui trouvé dans le flacon mortel. L'un d'eux, Gérard Verger, va plus loin. C'est une signature importante, comme pourrait l'être une empreinte digitale. Méthodique, l'homme précise qu'il a réalisé 1180 expertises. Les experts ont reçu un certain nombre d'échantillons prélevés sur le territoire français, correspondant certainement aux nécessités de l'enquête. Mais vous ne saviez pas sur quel produit vous travailliez? Tous les experts ont travaillé en aveugle. Seulement, rétorque la défense, on a privilégié dans l'échantillonnage le cyanure commercialisé par un labo chez qui s'est fourni l'accusé. Faux débat, constate la partie civile, qui voit dans cette expertise une charge accablante. À quelques mètres de l'endroit où le flacon de Josacine allait être empoisonné, M. de Perroy détenait un cyanure exactement comparable à celui qui allait être à l'origine de l'empoisonnement. Maître Laurent Decaune, avocat de la famille Tanet, est donc convaincu par les résultats d'expertise. Et vu le faisceau de présomption et la faiblesse de la défense, de Perroy sera condamné, pense-t-il. Et pourtant, sans qu'on sache vraiment pourquoi, la cause est toujours acquise à Jean-Marc de Perroy. Toute la presse pense assister à un procès qui va se conclure par un acquittement. Mais le président Reynaud est un homme très rigoureux, qui n'a pas pour habitude de bâcler son travail. Aux grandes dames des journalistes et des spectateurs qui subissent parfois des audiences qui durent entre 12 et 15 heures. L'ambiance est lourde ou survoltée ou les deux à la fois. Le président de la cour d'assises sent que l'annonce du verdict va décupler les passions, alors il se précipite. Il n'attend même pas que les parents de la victime soient présents dans la salle. 3 ans et demi, pourtant, qu'ils attendent ce moment. Quand les années arrivent, c'est la cohue, les gens crient, pleurent, s'évanouissent. Une vraie scène d'hystérie collective. Oui, Jean-Marc de Perroy est coupable. Alors il s'effondre dans le box et perd connaissance. Hagard, il est ramené pour que lui soit signifiée la sentence. Et dans la salle, c'est toujours le chaos, ça hurle dans tous les sens. Le cordon de police a du mal à contenir la foule en colère. La salle, toute acquise à Jean-Marc de Perrois, crie à la justice pourrie. Les jurés n'ont rien compris, vous êtes des idiots, Jean-Marc est innocent. À l'énoncé du verdict, 20 ans de prison. La famille de l'accusé pousse un cri de douleur et leur redit, il est innocent. D'autres s'adressent avec hargne à la famille Tanet. C'est de votre faute. Vous êtes satisfait? Vous voulez de l'argent, évidemment. À la sortie du tribunal, sous les huées, les Tanet sont obligés de fuir, alors que les Desparois sortent la tête haute, plus combatifs que jamais. C'est le monde à l'envers. Les coupables deviennent victimes. Les victimes deviennent coupables. Madame, monsieur, bonsoir. Le doute, mais l'intime conviction. Tôt ce matin, après seulement 4 heures de délibéré, les jurés de la cour d'assises de la Seine-Maritime ont condamné pour meurtre avec préméditation Jean-Marc de Perrois à 20 ans de réclusion criminelle. Au lendemain de la condamnation de Jean-Marc de Perrois, son épouse parle de verdict de la honte. L'acquittement lui semblait évident, mais cette nuit, 12 jurés en ont décidé autrement. Je les plains, je voudrais pas être à leur place parce que mon mari est innocent. On va l'aider, on va le soutenir. Je sais pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait. Je Absente au moment du verdict, Sylvie Tocqueville, l'amie de Jean-Marc de Perrois. Elle ne s'explique pas cette condamnation, 20 ans de prison. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, je suis désolée. Émilie est morte par erreur. La véritable cible, c'était moi, a soutenu Jean-Michel Tocqueville au procès. Les jurés lui ont donné raison. Il n'y a pas de commentaire à faire sur leur décision. Je pense qu'ils avaient les éléments, ils avaient tous les éléments. Il n'y a pas d'erreur judiciaire. Sous protection des gendarmes, depuis ce matin, la maison des parents d'Émilie. Cette nuit, Corinne, la mère, a été prise à partie par le public dans la cour du palais. Alors que les victimes étaient montrées du doigt, Anne-Marie de Perrois était soutenue par la foule. Courage! Courage, Alain! On est avec vous, madame! On est avec vous! Cette nuit, un homme a été condamné, mais le mystère de la Josacine demeure. Au lendemain de la condamnation, l'émotion est grande. Les Tocqueville rentrent chez eux et disparaissent des radars de la justice, tandis que les proches de Jean-Marc de Perrois continuent avec une énergie inépuisable à dénoncer une erreur judiciaire. Dans les jours qui suivent, la famille appelle à la création d'un comité de soutien. Alors qu'ils reçoivent des lettres de consolation, la famille d'Émilie, elle, reçoit des lettres de menaces, d'insultes. C'est bien fait pour vous. Votre vermine d'Émilie doit être bouffée aux asticots à l'heure qu'il est. Vous irez la rejoindre dans le fumier, c'est tout ce que vous méritez. Tu as menti. Émilie va sortir de sa tombe. Elle sait que sa mère est une menteuse. Des gens pénètrent chez les Tanet, volent des photos d'Émilie. Pression, intimidation, tout est fait pour que les Tanet craquent. Comme si la perte d'un enfant n'était pas assez douloureuse comme ça. Ils sont contraints de vendre leur maison et de fuir. De l'autre côté, dans le clan de Perrois, l'ambiance est au combat. L'ancien élu compte bien utiliser tous les moyens juridiques pour démontrer son innocence. À l'époque, les décisions d'assises ne sont pas susceptibles d'appel. Alors il dépose un pourvoi en cassation. Rejeté. Il va donc effectuer sa peine, mais son comité de soutien reste toujours actif. Et notamment, Jean-Michel Dumay, un journaliste qui travaille pour le quotidien Le Monde, lui est convaincu de l'innocence de Perrois. Et en bon défenseur de l'état de droit, il n'imagine pas que le doute ne puisse pas profiter à l'accusé. À l'énoncé des verdicts, mon confrère se prend la tête entre les mains. Il pleure des larmes sur les bancs de la presse, de l'affect au cœur même de l'objectivité. C'est le signe que quelque chose cloche. Pendant 6 ans, Jean-Michel Dumay va fouiller, décortiquer, annoter, rechercher tous les éléments d'affaire avec une intime conviction chevillée au corps, de Perrois est innocent. En 2003, il publie le résultat de sa contre-enquête dans un livre intitulé « Le poison du doute ». Une enquête fondée sur l'hypothèse de l'accident domestique camouflé. Il est immédiatement poursuivi par la famille Tocqueville. Dès le début de l'audience, le président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel a déclaré qu'on ne refait pas le procès de Perrois. On reproche à l'auteur du livre, Josacine, « Le poison du doute », des extraits relevant de la diffamation à l'égard de Jean-Michel Tocqueville. J'étais choqué, hein. Pourquoi? J'avais une profonde amitié pour Émilie et on a fait tout ce qu'on a pu pour la sauver. Elle est morte dans mes bras. L'avocate de Tocqueville réclame 200 000 euros de dommages et intérêts. Bien entendu, cette hypothèse est diffamatoire puisque quelque part le Jean-Michel Dumay accuse M. Tocqueville d'avoir dissimulé un accident domestique et d'avoir en quelque sorte laissé accuser pendant toutes ces années un innocent à sa place. Le ministère public impute des faits diffamatoires dans le livre et réclame 10 000 euros d'amende. La défense a plaidé la relaxe. L'affaire est mise en délibéré le 12 avril. Car une hypothèse peut constituer une diffamation. Il faudra de nombreux appels pour que Jean-Michel Dumay soit relaxé. L'un des tribunaux qui l'a jugé a même considéré que son hypothèse apportait un doute plausible. Doute plausible. Pour le comité de soutien, ce livre est la preuve que l'enquête n'a été menée qu'à charge. Les gendarmes n'ont pas fait les vérifications qui s'imposaient. Ils n'auraient même jamais posé une seule question, ni à Jean-Michel Tocqueville, ni à Denis Lecointre, sur le sens de ces propos enregistrés à leur insu. Vous avez les écoutes téléphoniques. Le clan de Perrois va alors redoubler d'énergie pour tenter d'obtenir un nouveau procès. En juin 2006, après 12 ans de prison, Jean-Marc de Perrois est placé sous libération conditionnelle. Corinne Tanet, la maman d'Émilie, est bouleversée, mais elle reste digne. Comme à chaque fois que la famille de Perrois s'est pourvue en cassation ou en demande de révision, les parents d'Émilie sont restés silencieux, en position d'attente. Si les deux Perrois choisissent de se défendre dans le bruit, voire la fureur, les Tanet ont toujours préféré la discrétion. Quand Jean-Michel de Perrois sort de prison, Corinne Tanet s'exprime. Elle ne demande qu'une chose. Qu'ils se tiennent à distance. J'ai quelques craintes. J'ai peur pour ma famille. J'ai peur que mon mari commette, non pas l'inacceptable comme il le dit, mais pour moi, ça serait l'irréparable. J'ai peur que les gens qui nous soutiennent aussi prennent un peu le coup de sang s'il y a trop de réactions autour de la défense de Perrois. Ça fait plusieurs années qu'on leur dit non, on réagit pas, on tombe pas dans le piège. Et en fin de compte, aujourd'hui, moi, j'ai un ami qui m'a dit tu ne m'empêcheras pas de faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est ce qu'elle veut, la justice. Seulement, la justice, elle n'a pas été pédagogue, elle n'a pas été psychologue. De toute façon, elle n'est pas pour de rond. Hein. Qu'on soit victime ou coupable, elle ne sait pas l'être. Puis je crois aussi, comme me le disait tout à l'heure un proche, il y en a marre de vous voir souffrir, de vous voir morfler depuis 12 ans. Comme si, effectivement, depuis 12 ans, on a l'impression qu'il n'y a que du côté de Perrois qu'on a souffert, qu'on est malheureux, qu'on est ruiné, parce que ça revient souvent dans leur bouche. Non, ils oublient quand même qu'ils nous ont balancé quand même exactement les mêmes difficultés qu'eux ont rencontrées. Et à ce que je sache, on n'a rien demandé, nous. Au terme exact de 3 années de libération conditionnelle pendant lesquelles il lui était interdit de s'exprimer en public, Jean-Marc de Perrois apparaît le 11 décembre 2009 dans les journaux télévisés. « J'ai décidé de parler aujourd'hui parce que je veux dire aux gens que je suis innocent. » Mais alors, pourquoi ne pas avoir crié cette innocence dès le début? Pourquoi l'avoir systématiquement dissimulée derrière les mensonges? Le philosophe allemand Nietzsche disait « Les convictions sont des ennemis de la liberté plus dangereux que des mensonges. » Mais entre ces deux extrémités, il y a des nuances qui peuvent nous plonger dans le doute. L'affaire de la Josacine cristallise finalement une dichotomie. Que faire quand le doute plausible flirte d'aussi près avec l'intime conviction ? J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons. s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire de la josacine empoisonnée dont nous allons parler avec notre invité Jean-Michel Dumais. Bonjour. Bonjour. Nous avons terminé le récit avec vous. On a entendu ce que vous avez fait et dans quoi vous avez été d'ailleurs embarqué. Et vous vous êtes embarqué vous-même. Hein. C'est l'expression d'une volonté, vraiment. On y reviendra. Mais alors, c'est vous qui avez mis en avant la fameuse autre hypothèse. On va pas faire du réel suspense. Cette hypothèse dont on n'a pas parlé pendant le récit, quelle est-elle ? Eh bien, elle est celle d'un accident qui s'est produit au domicile des personnes qui gardaient Émilie Tanès ce jour-là. Les Tocqueville, donc. Les Tocqueville, un accident qui n'a pas été assumé et qui a été camouflé après coup, c'est-à-dire qu'en fait, il m'est apparu en replongeant dans cette affaire dans le dossier, et après le procès, après les doutes qui, de mon côté, avaient émergé au moment de l'audience, il m'est apparu que les faits, ça n'était pas qu'une enfant était décédée d'avoir absorbé un médicament empoisonné, mais c'était que cet enfant avait été empoisonné, ça c'est une certitude, et qu'on avait amené parallèlement, postérieurement, un médicament qui s'était révélé lui aussi être empoisonné. Et la question était de savoir à quel moment ce médicament avait été empoisonné. Est-ce qu'il l'avait été avant la prise du médicament par l'enfant, ou est-ce qu'il l'avait été après coup? Après coup, voilà. Alors, très précisément et plus précisément, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Vous l'avez dit, mais qu'est-ce qui vous a poussé à en écrire un livre, à faire une contre-enquête et à vous investir autant dans cette histoire? Alors d'abord, j'ai couvert le procès, donc j'ai assisté aux 3 semaines d'audience et j'étais arrivé à ce procès en tant que chroniqueur judiciaire, comme j'arrive toujours sur les procès, sans idée préconçue sur cette affaire-là. Il y avait déjà des bruits d'erreurs judiciaires, ça c'est clair. Et moi, ma conviction que le doute devait profiter à l'accusé, elle a germé et elle s'est amplifiée jour après jour au moment du procès. Et ce sont notamment, outre le scénario de l'accusation, celle d'un crime passionnel raté avec une erreur sur la victime, enfin, qui était déjà ce scénario en lui-même était déjà un peu problématique pour moi. Les expertises dont vous avez parlé tout à l'heure étaient moins évidentes qu'il n'y paraît aujourd'hui, parce que on s'apercevait notamment, d'abord on ne sait pas quel était le cyanure de Jean-Marc de Perrois qu'il avait détenu puisqu'il l'avait jeté, mais on faisait état par exemple de la présence d'impuretés dans le flacon qui était à des proportions comparables que celles qui étaient dans la matière première dans laquelle il aurait pu s'approvisionner. Puis on s'apercevait que les marges d'erreur étaient quand même de 20 à 30%. On s'apercevait aussi qu'il y avait des impuretés dans les cyanures dont il était question, mais qu'on ne retrouvait pas dans le flacon. Or, en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. S'il y avait des impuretés dans les cyanures en question, pourquoi on les retrouvait pas dans le flacon? Et puis il y avait d'autres choses. Une chose était certaine, c'est que Jean-Marc de Perrois s'était procuré un cyanure neuf. Or, dans cette affaire, on faisait état en tous les cas à la barre, au moment du procès, d'un vieux cyanure ou d'un cyanure dégradé. Il aurait fallu qu'il soit chauffé à plus de 37 degrés pendant un mois pour qu'on puisse éventuellement considérer que c'était le cyanure de Jean-Marc de Perrois. Bref, tout ça m'avait fait profondément douter de la culpabilité de cet homme. Et donc c'est comme ça que progressivement j'ai été amené à revoir tout le dossier, les 10 000 pages du dossier, puis rencontrer tous les protagonistes sur les 5 années qui ont suivi, jusqu'à la parution d'une contre-enquête dans Le Monde dans un premier temps, et ensuite sous forme de livre, de manière plus étayée encore, en 2003. Voilà. Vous êtes devenu ami de Perrois à force de le côtoyer. Comment vous gardez votre, on va sortir le mot tarte à la crème, mais bon, votre objectivité? Alors, mon travail, il a eu lieu bien avant que je connaisse de manière plus intime Jean-Marc de Perrois. Moi, j'ai suivi le procès en 1997, j'ai fait mon enquête ma contre-enquête donc entre 97 et 2002. Et Jean-Marc de Perrois est sorti en 2006 et c'est à sa sortie de prison que je l'ai connu et que ça fait 14 ans maintenant que je l'accompagne et notamment dans son combat pour obtenir la révision de son procès. Ouais. Mais donc avant moi j'avais fait mon travail de journaliste en toute alors objectivité le métier de journaliste c'est un métier subjectif, on a des garde-fous après déontologiques hein, il faut donner la parole à tout le monde, rapporter des éléments vrais, enfin toutes choses qui m'ont été tout un sérieux et une rigueur qui m'ont été reconnues par notamment deux cours d'appel, la cour d'appel de Toulouse et la cour d'appel de Rouen. Voilà. Comment va-t-il ? Écoutez, je le trouve combatif là en ce moment parce que il est arrivé cette chose assez extraordinaire, assez étonnante ces dernières années. Il se trouve que la mère de la victime, Madame Tanet, est revenue dans un premier temps vers moi pour pouvoir rencontrer Jean-Marc de Perrois. Elle en a écrit un livre. Elle a refait tout elle-même, tout la un réparation chemin volontaire. Exactement. S'appelle le livre. Elle a fait tout un travail de contre-enquête elle-même lorsque je l'ai rencontrée il y a 4 ans à nouveau, parce que ça fait depuis le procès que je la côtoie régulièrement, enfin de temps en temps, et donc elle est revenue vers moi avec mon livre plein de post-it, et elle se pose également un tas de questions sur les circonstances du drame le soir. Voilà, vous, tout à l'heure dans votre présentation, on parlait d'écoute téléphonique. Il faut savoir, moi c'était ce qui m'avait mis la puce à l'oreille au départ, que deux protagonistes importants de l'affaire se téléphonent à un moment donné en 1994, oui. Et clairement l'un dit à l'autre, tu vas passer à la télé toi avec ton produit que t'as mis dans la Josacine, et c'est ces écoutes téléphoniques au départ qui m'ont mis sur le chemin de cette nouvelle hypothèse, en plus d'un certain nombre d'incohérences dans les déclarations de Monsieur Tocqueville, qui se trouve pendant les 48 premières heures, qui n'a dit à personne, tous les gens à qui il racontait ce qui s'était passé chez lui, n'a pas mentionné à l'époque qu'il s'était passé un problème avec cette Josacine. Cette Josacine, elle vient bien plus tardivement dans le paysage, une fois qu'on identifie une substance dedans. Voilà. Alors, on va reprendre un peu les personnages de ce drame. On rappelle quand même que c'est une enfant de 9 ans qui est morte. Et évidemment, c'est terrible. Et ça nous renvoie, même si les circonstances sont complètement différentes, mais ça nous renvoie quand même à la mort du petit Grégory qui hante encore tous les esprits. Parce que quand un enfant meurt, comme ça, dans une affaire judiciaire, c'est la transgression ultime. Et c'est normal qu'il y ait beaucoup d'émotions. Les Tocqueville, vous en parliez à l'instant. Quel regard vous portez, au-delà de ce que vous venez de dire, sur leur comportement pendant l'enquête, notamment? Qui sont ces gens, les Tocqueville? On a du mal à les comprendre, à les cerner. On a d'autant plus de mal à comprendre notamment Jean-Michel Tocqueville que pendant 6 mois, il avait défendu Jean-Marc de Perrois en déclarant, on l'a entendu, il me semble, tout à l'heure, en déclarant que c'était impossible qu'il ait fait quoi que ce soit. Et au bout de 6 mois, on a l'impression qu'il s'est laissé convaincre par l'enquête, notamment menée par les gendarmes, que ça pouvait être Jean-Marc de Perrois. Moi, j'aurais du mal, si vous voulez, à parler des Tocqueville, sauf à vous dire que ce qu'il m'est apparu, c'est que manifestement, ces personnes-là n'ont pas pleinement éclairé à la fois le personnel médical qui est intervenu, qui lui ne cesse de répéter depuis cette affaire qu'on ne lui a pas donné d'indication particulière, outre le fait qu'il y avait un mauvais goût dans ce médicament. Il se trouve qu'il y a pas mal d'enfants qui n'aiment pas leur médicament, que Madame Tanet avait dit elle-même au Tocqueville que cet enfant n'aimait pas ses médicaments. Donc voilà, ils n'ont pas disposé, cette équipe médicale n'a pas disposé d'indications alarmantes. Derrière, les gendarmes n'ont pas disposé d'éléments particuliers sur la prise de médicaments. Il se trouve que à moi, lors de ma courte contre-enquête, Monsieur Tocqueville a indiqué que c'était lui qui avait fait vomir ou cracher cet enfant, chose qu'il n'a jamais dite au moment de l'enquête. Bref, moi j'ai le sentiment véritablement que, en tous les cas, ceux qui ont eu à juger, notamment la cour d'assises par la suite, n'avaient pas tous les éléments en main au moment du procès. La femme de ménage des Tocqueville parle d'un flacon de liquide transparent sur le frigo qui aurait disparu. Les gendarmes l'ont interrogé ? Alors oui, ça fait partie des petits mystères à l'intérieur du dossier. la femme de ménage, qui était d'ailleurs la femme de ménage de Jean-Marc de Perrois d'un côté et des Tocqueville de l'autre, avait observé un flacon, et un flacon avec un liquide transparent fermé très très fermement, si vous voulez. On n'a jamais rien su de particulier, le monsieur et madame Tocqueville n'ont donné aucune indication particulière sur la présence de ce flacon, on ne sait pas à quoi il était destiné. Et quand je vous disais que tous les éléments n'avaient pas été donnés par les Tocqueville, j'écris dans mon, je rapporte cet élément dans mon livre, par exemple, madame Tocqueville, le jour où elle est interrogée la première fois par les gendarmes, ne dit pas qu'elle elle retrouve dans les poches du pantalon d'un de ses enfants un tube à essai dans lequel il y a une poudre blanche, dont elle ne dit pas ce que c'est, qui provient d'un jeu, le petit chimiste. Et figurez-vous qu'il y a quelques mois de cela, à faveur de la parution du livre de madame Tanet, j'ai retrouvé, maintenant avec Internet, on arrive facilement à faire des recherches, ces jeux de petits chimistes comportent des produits cyanurés. C'est fou. Il faut quand même savoir que le procès-verbal de synthèse de gendarmerie dans cette affaire indique qu'il rejette l'hypothèse de l'accident domestique parce qu'elle dit « nous n'avons retrouvé aucun produit cyanuré ». Mais c'est évident que si on leur dit pas que, notamment en l'occurrence, un enfant avait accès à des tubes d'un tel jeu, je ne sais pas si ce jeu a quelque chose à voir avec cette affaire, mais n'empêche qu'on pouvait se poser la question de savoir s'il pouvait en avoir un lien. Voilà. Et au bout du compte, quel regard vous portez sur le travail des gendarmes? Apparemment, ils ont quand même enquêté à charge, avec une intention à charge ou pas, contre de Perrois, monsieur. Alors, ma lecture des choses est la suivante, c'est-à-dire que, d'abord, l'enquête a été enfermée. Alors, est-ce que ce sont les gendarmes qui se sont enfermés eux-mêmes, ou c'est peut-être plus compliqué que ça, mais l'enquête a été enfermée dans un cadre de départ qui était que le médicament était empoisonné avant que l'enfant ne l'ingère. Dans ce cadre-là, évidemment, lorsque vous écoutez notamment l'écoute téléphonique entre Monsieur Lecointre et Monsieur Tocqueville, où l'un dit à l'autre « mais tu vas passer », il faut qu'on sache de quoi, sous-entendu, de quoi est morte l'enfant, parce que tu vas passer tout à l'heure à la télé, toi, avec ton produit que t'as mis dans les jasacines, si on est persuadé que le médicament est empoisonné avant que l'enfant ne l'ingère, on n'a aucune raison de penser que M. Tocqueville va délibérément empoisonner ce médicament. Il n'y a aucun intérêt à le faire. Par contre, s'il se produit un accident chez lui, de manière concomitante ou pas loin de la prise des médicaments, qu'il se rend compte, si vous voulez, je vous ai dit encore une fois qu'à moi, en 2002, il dit clairement qu'il a fait vomir cet enfant. Évidemment, on ne fait pas vomir une enfant simplement parce qu'elle se plaint d'un mauvais goût de médicament. On fait vomir une enfant si on pense qu'elle a absorbé quelque chose qu'elle n'aurait pas dû absorber. Et puis, même si on l'accompagne dans un mouvement de vomissement ou de cracher, vous le dites un quart d'heure après au SAMU, ce qui n'a pas été fait. Vous le dites une demi-heure quand le SAMU est présent et les médecins sont là. Or, ils n'ont jamais entendu de telles choses lorsqu'ils sont intervenus. Donc ce sont ces éléments-là, si vous voulez, sur les déclarations des Tocqueville et les écoutes téléphoniques. Moi, à l'époque, ça fait quand même maintenant très longtemps, puisque le procès a 23 ans, et mon enquête, elle a 18-20 ans, si vous voulez. 2003. Voilà, l'enquête est parue en 2003, que j'ai cette conviction, et que j'ai su la faire partager manifestement à des juridictions dans le cadre des procès que m'a intenté notamment Jean-Michel Tocqueville. Visiblement, bon, l'hypothèse, elle a été reconnue plausible, à charge maintenant pour les magistrats ou ceux qui le peuvent. Il n'y a pas que la défense qui peut réouvrir un dossier. Si la justice voulait se pencher sur cette affaire, je pense qu'elle en a les moyens. D'accord. Donc, ça pourrait réhabiliter, évidemment, de Perrois, et là, aller sur la piste d'un autre coupable. Présumé, je dis bien présumé, évidemment. Tocqueville. Alors, moi, je fais attention aux mots employés. Enfin, j'espère avoir la prudence. Coupable, je ne sais pas. Présumé, on a bien dit. Pourrait se retrouver dans cette situation-là. Dans mon hypothèse, je préfère parler de responsabilité. En l'occurrence, il y aurait une responsabilité, c'est-à-dire que la responsabilité étant celle d'un défaut de surveillance, si vous voulez, qui était d'ailleurs dans le paysage à l'époque quand monsieur et madame Tocqueville s'inquiétaient de savoir. Parce que madame Tocqueville s'est aussi inquiétée de savoir ce qui se passait chez elle. Elle n'était pas. Les deux parents étaient dans des pièces différentes, je ne vais pas rentrer dans tous les tiroirs de cette affaire. Mais donc après, c'est à la justice de faire son travail, de voir quelles sont les responsabilités éventuelles dans cette affaire, étant entendu que le principal combat, c'est celui de l'innocence de Jean-Marc de Perrois. Oui, alors moi je suis quand même assez frappé. Quels sont vos souvenirs, d'ailleurs, à ce propos-là, de l'hostilité autour des Tanet, et notamment la vue au procès? Comment on peut déclencher une hostilité vis-à-vis de gens qui ont perdu leur enfant de 9 ans? Enfin, ça me paraît... C'est le, d'un point de vue d'humanité, ça me paraît bizarre. Quand même. C'est un procès qui était sur ce point-là extrême, enfin qui créait beaucoup de malaise, si vous voulez, parce que et qui provient d'une chose très très humaine finalement, c'est que la psychologie humaine a horreur du vide et lorsqu'on disait au moment du procès, mais alors si ce n'est pas Jean-Marc de Parois, automatiquement la question qui venait, c'est mais alors c'est qui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, encore une fois, la nature a horreur du vide et des explications, du manque de sens. Et celui, le sens qui apporte, d'où vous avez rappelé la déposition du docteur Vu, là vous m'avez, oui. Vous m'avez à titre personnel ramené des années. Franchement, ça fait 23 ans, c'est très très très ancien, très ancien. À l'époque du procès, ce qui créait le malaise, c'est que si ce n'était pas Jean-Marc de Perrois, il y avait des éléments qui pouvaient faire penser à certains que c'était du côté de Madame Tanet ou voilà. Bah, plutôt les Tocqueville, non? Alors, mais les Tocqueville, curieusement, ont échappé. Et je, dans le livre de Corinne Tanet qu'elle a publié à l'automne dernier, c'est ce qui le ressort. Elle le voit très très bien. C'est que les Tocqueville ont échappé au regard pratiquement médiatique jusqu'à ce que notamment mon travail arrive et braque le projecteur sur des éléments qui posent problème. Voilà. Alors, tentative d'explication, maintenant, on va l'écouter ensemble, c'est très court. Hein. Roger Merle, qui était l'avocat de Corinne Tanet, qui était devenu pour elle un conseiller de vie, hein, quasiment. La presse, à ce moment-là, était à fond pour De Perrois. À fond. Et contre les Tanet. Tout le monde était contre les Tanet en Normandie. Hein. Parce que ils étaient un peu distants, peut-être. Un peu court, non? Ben c'est peut-être vrai, mais c'est un peu court. Oui, il y avait des éléments. Enfin, moi, je veux pas trop rentrer dans ça. On est vraiment dans le domaine du subjectif le plus total, ah bah si oui, vous oui. voulez. Ouais. C'est vrai que bon, enfin, manifestement, il ressortait des personnalités que notamment Corinne Tanet dérangeait un certain nombre de locaux. Voilà. Donc, mais je peux pas épiloguer là-dessus. Alors, les Tanet ont eu un autre petit garçon, c'est ça, hein, qui était refusé par les directrices de l'école parce que son nom, apparemment, faisait tache. Les Tanet. Confirmez ? Vous avez cette information ? Je crois que Corinne et Denis Tanet, les parents, ont eu d'énormes problèmes. Voilà, parce qu'on pendant très longtemps, très injustement, montrés du doigt. Enfin, c'est avec le recul, cela paraît complètement invraisemblable. Ouais. On va écouter Jean-Marc de Perrois, hein, presque 30 ans après le décès de la petite Émilie, cet homme qui a purgé sa peine, et bien clame toujours son innocence, évidemment. Pour la justice, pour la famille de la petite Émilie Tanet, vous êtes le coupable. Oui, il y a une vérité judiciaire. C'est pas la vérité, mais il y a une vérité judiciaire, celle où je suis condamné, mais je veux avoir un autre procès. Si c'est pas vous, c'est qui ? Qu'est-ce qui s'est passé le 11 juin 1994 ? Je sais pas. Je sais pas. Il n'y a qu'une chose qui compte. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance de mon innocence. Je suis conscient que je vais raviver des douleurs, mais il faut me comprendre. Je leur demande de me comprendre. Évidemment, maintenant le combat judiciaire qu'il va mener, qu'il mène, il est compliqué celui-là. De toute façon, c'est très compliqué. Comment ça se passe ? Il faut élaborer. Actuellement, la défense élabore une troisième requête en révision. Il y en a déjà eu deux. La première avait annexé mon travail à la suite de la découverte de ces écoutes téléphoniques qui posaient problème dans le dossier. Une deuxième était intervenue et n'a pas complètement convaincu les magistrats, même si j'ai pu entendre dans un documentaire télé une fois la présidente de la commission de révision indiquer qu'on pouvait ne pas être d'accord avec la décision de la commission, ce qui est assez étonnant. C'est une commission qui est chargée d'avoir du doute ou pas du doute, mais qui vous dit « moi, nous, on a pris cette décision, mais vous pouvez penser différemment de nous ». Donc bon, vous pouvez douter de nous. Vous pouvez douter de la décision. Donc je pense qu'un jour, j'ai la conviction que Jean-Marc de Perrois pourra faire valoir de nouveaux éléments. Et il se trouve qu'il y a eu une révision de la procédure de révision, donc maintenant on peut capitaliser les différents éléments qui ont été déjà versés à ce dossier. Mais c'est un long chemin. Une dernière chose qui m'interpelle, on pense toujours qu'un journaliste ne doit jamais être impliqué jusqu'à entrer dans l'histoire et en venir, non pas l'acteur principal, mais un des acteurs. Bah, ça prouve que notre métier est un métier humain déjà, qu'il n'y a pas des frontières comme ça, et qu'il faut l'assumer, le dire, contrairement à certaines idées reçues. C'est intéressant. Oui, c'est-à-dire que oui, nous ne sommes pas que des observateurs. Mais bien sûr. Et la seule chose, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai arrêté d'écrire sur cette affaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis clairement passé. Maintenant, je suis témoin du combat de cet homme. C'est une autre forme de témoignage. Je n'en ai pas perdu mes critères de base du journalisme. Du journalisme. Affaire Josacine, le poison du doute. Jean-Michel Dumay, chez Stock. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la Josacine empoisonnée, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Ronan Mahé qui était à la technique aujourd'hui.